national et oh, lé, son hymne national. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. J'espère que vous avez passé un bon week-end, malheureusement il était pluvieux. Mais grâce à cela, aujourd'hui on respire enfin de nouveau. Ce sont des températures nettement beaucoup plus agréables qui nous attendent pour cette semaine. Et on commence en ce lundi 29 juillet en souhaitant une bonne fête aux Martes. Ça vient de l'araméen signifiant dame, maîtresse de maison. Marquée par le nombre 11, les Martes ont une personnalité forte et ont facilement de l'ascendant sur autrui. Elles apparaissent actives, dynamiques et courageuses, énergiques et passionnées. En apparence adaptable et malléable, elles feront valoir leurs droits et leurs idées avec douceur et parfois machiavélisme. Et s'il le faut, avec fermeté. Elles ont de multiples projets, de grandes idées, encore faut-il qu'elles sachent les mettre en application. Agir leur permet de canaliser leur grande nervosité. En règle générale, elles sont stimulées par la difficulté. Leur sens de la justice est très aiguisé et elles ont des réactions violentes devant toute iniquité. L'être humain les intéresse et elles ont souvent un idéal humanitaire qui les fait s'intéresser à autrui ou adhérer à des groupes et des associations à but social ou idéologique. Elles sont féministes et peuvent entrer en compétition avec les hommes. Elles possèdent une grande intuition mais affichent leur esprit logique qui impressionne davantage. Elles peuvent osciller entre une possessivité absolue et un certain altruisme. Dicton du jour, il y en a plusieurs. On commence avec celui-ci à Sainte-Marthe, prune mûre, bonne tarte. Mauvais temps le jour de Sainte-Marthe n'est rien, car il faut qu'il parte. Ne crains rien du mauvais temps de Sainte-Marthe, vite, il faut qu'il parte. C'est une autre nuance. Célébration internationale, journée internationale pour la diversité socioculturelle et pour la lutte contre la discrimination. Et dans les événements qui se sont déroulés un 29 juillet 1836 à Paris, c'était l'inauguration de l'Arc de Triomphe de l'Étoile qu'on a très bien vu hier par exemple à l'arrivée du Tour de France. 1881, promulgation en France de la loi sur la liberté de la presse. En 1907, c'était la création du mouvement scout sous l'égide de Robert Baden-Powell. 1958, création de la NASA, l'agence spatiale américaine. Et enfin en 1987, Margaret Thatcher et François Mitterrand signaient l'accord en vue de la construction du tunnel sous la Manche. Allez, tout de suite, première pause musicale avec la chanteuse Martina McBride et le titre c'est My Baby Loves Me. Don't need no copy of Vogue magazine. Don't need to dress like no beauty queen. High heels or sneakers, you don't give a damn. My baby loves me just the way that I am. My baby loves me just the way that I am. He never tells me I'm not good enough. Just gives me unconditional love. He loves me tender, he loves me mad. He loves me silly and he loves me sad. He thinks I'm pretty, he thinks I'm smart. He likes my nerve and he loves my Voilà pour Martina McBride sur RGM. Presque 8h36, on parle anniversaire. Ils sont nés un 29 juillet 1936, naissance d'Orlando, producteur. C'était le frère d'Alida. 1938, naissance de Bernard Tiphaine, comédien français dans le doublage. Voix française des acteurs Donald Sutherland, Chuck Norris ou encore James Caan. 1941, naissance de David Warner, acteur britannique, vu dans Le Songe d'une nuit d'été dans le rôle de Lysander. Tron, Titanic dans le rôle de Spicer, Lovejoy, le garde du corps et valet, ou encore vu dans La planète des singes. 1955, naissance de Jean-Hugues Anglade, acteur français, vu dans Nikita dans le rôle de Marco, la reine Margot dans le rôle de Charles IX, Le Grand Bain, sorti l'année dernière dans le rôle de Simon, et vu à la télévision dans Les Sopranos, Braco ou encore Capitaine Marlowe. 1963, naissance d'Alexandra Paul, l'actrice américaine connue pour son rôle de Stephanie Holden dans la série télé Alerte à Malibu et vue également dans Melrose Place. 1965, naissance de Dean Haglund, acteur canadien connu pour son rôle de Richard Langley dans la série télé X-Files aux frontières du réel. 1966, naissance de Martina McBride, chanteuse de musique country américaine. 1972, naissance de Will Wheaton, acteur américain, vu dans Stand By Me dans le rôle de Gordy Lachance, dans la série télé Star Trek La Nouvelle Génération dans le rôle de Wesley Crusher, vu également dans Numbers, Esprit Criminel ou encore Big Bang Theory. 1973, naissance de Stephen Dorff, acteur américain, vu dans Blade dans le rôle de Deacon Frost ou encore Public Enemies dans le rôle d'Homer Van Meter. C'est également l'année de naissance de Wanya Morris, chanteur américain du groupe Boyz II Men. 1974, naissance de Josh Radnor, acteur américain, vu au cinéma dans Sex Academy, à la télévision dans Urgence, à What Met Your Mother dans le rôle de Ted Mosby ou encore vu dans Grey's Anatomy. 1975, naissance de Will Conlon, acteur canadien connu dans le milieu de la web-série pour incarner le rôle de Nathan Miller dans la web-série LGBT Out With Dad. 1980, naissance de Fernando González, ancien joueur de tennis chilien ayant fait carrière de 1999 à 2012, qui en simple a été numéro 5 mondial en 2007, une fois finaliste à l'Open d'Australie, demi-finaliste à Roland-Garros et quart de finaliste à Wimbledon ainsi qu'à l'US Open. En double, il a été 25e mondial en 2005, demi-finaliste à Roland-Garros, quart de finaliste à l'Open d'Australie ainsi qu'à l'US Open et 16e de finaliste à Wimbledon. Et aux Jeux Olympiques, en simple, il compte une médaille d'argent et également une médaille de bronze, et en double, il a remporté la médaille d'or. Il compte également deux World Team Cup remportés en 2003 et 2004. 1981, naissance de Fernando Alonso, coureur automobile espagnol, ayant pratiqué la Formule 1 de 2001 à 2018, 312 courses, 22 pole positions, 97 podiums, 32 victoires, champion du monde en 2005 et 2006. 1992, naissance de Djibril Sidi Bé, footballeur français, professionnel depuis 2009, qui de 2009 à 2012 a joué pour l'équipe de Troyes, de 2012 à 2016 à Lille, depuis 2016 il joue à Monaco et il est champion du monde 2018. 1994, naissance de Samy Seghir, acteur français, connu pour son rôle de Samy Ben Boudaoud dans Neuilly sa mère et Neuilly sa mère, vu également dans Beurre sur la ville, à la télévision dans Les Bleus, Premier pas dans la police, K1 ou encore Le Bureau des légendes. En 1856, décédé Robert Schumann, compositeur allemand. En 1866, décédée Barbe Nicole Ponsardin, dite Veuve Cliquot, célèbre productrice française de champagne, à boire avec modération bien évidemment. En 1890, décédée Vincent van Gogh, peintre et dessinateur néerlandais. Son œuvre, pleine de naturalisme, inspirée par l'impressionnisme et le pointillisme, annonce le fauvisme et l'expressionnisme. En 2007, on apprenait le décès de Michel Serrault, acteur français, vu dans Tout le monde il est beau, Tout le monde il est gentil, Le Grand Bazar, La Cage aux Folles dans le rôle d'Albin Moujotte, alias Zaza Napoli, César du meilleur acteur, vu également dans les suites La Cage aux Folles 2 et 3, vu également dans Garde à vue dans le rôle de Maître Jérôme Martineau, César du meilleur acteur, Nelly et Monsieur Arnaud dans le rôle de Monsieur Pierre Arnaud, César du meilleur acteur, Les Enfants du Marais, Belphégor, le fantôme du loup, Louvre ou encore Albert et Méchant. Et en 2011, décédé Claude Lédu, comédien, auteur, producteur belge, créateur et producteur de la série télé Bonne Nuit, Les Petits. Et chez les People, Carnet Rose, l'information est tombée hier sur les réseaux sociaux de M. Pokora et de sa compagne depuis bientôt 2 ans, Christina Miliane. Ils vont bientôt être parents. Ce sera le premier enfant pour Matt Pokora et le deuxième pour Christina Miliane, déjà maman d'une petite Violette d'une 8aine d'années, il me semble. Toutes nos félicitations. Allez, tout de suite, nouvelle pause musicale avec les Boyz II Men et leur titre « I will make love to you ». Submit to your demands. I will do anything. Girl, you need only ask. I'll make love to you like you want me to, and I'll hold you tight, baby, all through the night. I'll make love to you when you want me to, and I will not let go of you. Tell me to. Retour dans les années 90 avec le groupe Boyz II Men sur le 107FM. Un peu plus de 8h45 et il est temps pour nous de faire un point météo. La météo. Aujourd'hui, ce sera une journée ensoleillée avec tout de même quelques nuages. Des températures comprises entre 14 et 15 degrés ce matin, entre 24 et 26 degrés prévus pour cet après-midi. Demain mardi, ce sera une journée ensoleillée avec de la pluie à prévoir en soirée. Des températures comprises entre 15 et 16 degrés le matin, entre 25 et 26 degrés prévus pour mardi après-midi. Mercredi, ce sera le reste de la pluie de mardi, mais on passera la journée sous le soleil. Des températures comprises entre 16 et 17 degrés le matin et entre 22 et 23 degrés prévus pour mercredi après-midi. Je vous l'ai dit en début d'émission, des températures nettement plus agréables, respirables surtout. Allez, on fait tout de suite un point maintenant sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et on va commencer bien évidemment avec le Tour de France qui nous a encore réservé des émotions vendredi avec l'abandon de Thibaut Pinot touché à la cuisse. Les larmes de Thibaut Pinot. D'ailleurs, il a déclaré sur ses réseaux sociaux samedi, je ne sais pas ce que la suite de la saison me réserve, mais c'est avec certitude que je serai au départ du Tour en 2020. Voilà. Thibaut Pinot comme il l'a mis dans le documentaire diffusé sur France Télévisions hier, faire du Tour de France sa priorité. Vendredi, qu'est-ce qu'on a vu encore? Eh bien, Julien Alaphilippe en difficulté, qui a d'ailleurs perdu le maillot jaune. La course qui a été arrêtée suite à une énorme averse de grêle, avec d'ailleurs une coulée de boue qui ne pouvait pas faire que la course se poursuive. Et c'est donc le Colombien Bernal qui a empoché le maillot jaune à la suite de cette étape vendredi. Samedi, étape raccourcie de 60 km. Julien Alaphilippe en difficulté là aussi. Il a d'ailleurs rendu hommage à l'un de ses coéquipiers. Sans lui, j'aurais explosé. Et oui, Julien Alaphilippe, grâce à ses coéquipiers, eh bien, termine le Tour de France à la 5e place du classement général. Hier, victoire sur les Champs-Élysées de Caleb Ewan, sa 3e victoire sur le Tour 2019. Alors, donc, en jaune, c'est donc le Colombien Bernal. Premier Colombien à remporter le Tour à seulement 22 ans. Il remporte également le maillot blanc de meilleur jeune, le maillot vert sur les épaules de Peter Sagan, c'est son 7e maillot vert, le maillot de meilleur grimpeur du classement de la montagne sur les épaules de Romain Bardet qui lui a déclaré qu'il allait se remettre en question. Et le super combatif pour ce Tour de France 2019, eh bien c'est le Français Julien Alaphilippe qui nous a fait un très beau Tour de France. Il a remporté 2 étapes et il a porté le maillot jaune pendant 14 jours. On y croyait presque un successeur de Bernard Hinault, mais malheureusement va falloir encore attendre un tout petit peu. Peut-être que Julien Alaphilippe ou Thibaut Pinot l'année prochaine nous donnera cette joie. Et toujours pas de successeur non plus à Jean-Patrick Nazon, qui reste toujours le dernier Français à s'être imposé sur les Champs-Élysées. Voilà pour ce Tour de France 2019 qui nous a fait vivre vraiment de très belles émotions. L'année prochaine, le départ, ce sera à Nice. Voilà donc pour toutes les infos de ce Tour de France. Allez, on continue l'actualité sportive avec la Formule 1 et le Grand Prix d'Allemagne qui a vu la victoire de Verstappen devant Vettel et Kvyat. Romain Grosjean, lui, s'est classé 7e et ils n'ont pas terminé Pierre Gasly et Charles Leclerc. En football, en Ligue 2, Nancy a fait match nul face à Orléans, 0 partout. En football féminin, les Bleuettes sont championnes d'Europe après avoir battu l'Allemagne 2-1. Handball, U21, la France est championne du monde. Bravo messieurs, en battant la Croatie 28-23 aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, handball féminin U17. Médaille d'or pour l'équipe de France. D'ailleurs, l'équipe de France qui termine ses Jeux avec 28 médailles, dont 6 en or, 8 en argent et 14 en bronze. Un mot de natation avec une médaille de bronze sur le relais mixte du 4x100 mètres. Un mot d'athlétisme, c'était les championnats de France. Sur le 800 mètres, victoire de Pierre-Ambroise Boss et à la perche, victoire de Renaud Lavilloni. Un mot de tennis, plusieurs tournois cette semaine. Tout d'abord, Washington. Aujourd'hui, Tsonga affrontera Schnur et Manarino sera opposé à Ivashka. Et à Kisbuel, Jérémy Chardy sera opposé à Cecchinato. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec le tube de l'été 2017. Oui, je suis pas allée chercher loin. Aujourd'hui, c'est Luis Fonsi avec Despacito. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. De tu cuerpo todo un manuscrito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Enseñas a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Despacito. Despacito, Luis Fonsi, tube de l'été 2017. Rendez-vous demain matin pour un nouveau tube de l'été. Il est presque 8h55 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. Alors, à 11h, durablement vôtre. 13h30, la rediffusion de la Cristoire du cinéma. 15h, salut les 60 avec Gérard, consacré aux Beatles. 20h, le calendrier de François. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Et excellente journée à tous.